passant par la Bourgogne, je rencontre un petit homme qui mangeait du pain de la dame et buvait du ratafia. Oh, et rame la cheminée, oh, et rame la cheminée. Et buvait du ratafia. Oh, et ramène la cheminée.